Bonjour, Giorgio. Volume is OK. Vas-y, je te suis. Essaye de tuer la basse avec la main droite. Tu veux un truc comme ça, ok? Thank you.